voie 9, le train L à destination Bottigny via Genglot. De 14h03, voie 9. Ce train s'arrête à Rhine, Saint-Denis-Beuvès, Bezay, Lanzé, Genglot, Ernage, Chastre, Blancmont, Mont-Saint-Guibert et Ottigny. Les places de première classe se trouvent dans les premières, troisième, quatrième et dernière voiture. Les places pour les voyageurs à mobilité réduite et l'espace vélo se trouvent dans les premières et quatrièmes voitures. En raison d'une grève, moins de trains circulent du lundi 19 mai dès 22h, au mardi 20 mai inclus. L'offre de trains adaptée est visible dans les planificateurs de voyage sur SNCB et dans la SNCB. Le week-end du 24 et 25 mai, en raison de travaux effectués par Infrabel, les trains sont remplacés par des bus entre Ciney et Marlon. Le parcours et l'heure de départ de certains trains circulant entre Arlon et Ottigny sont adaptés. Planifiez votre voyage sur sncb.be ou l'application SNCB.